بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier. وطور سينين Et par le mont Sinin. وهذا البلد الأمين Et par cette cité sûre. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. ثم رددناه أسفل سافلين Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. فما يكذبك بعد بالدين. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge ? أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Allah n'est-il pas le plus sage des juges؟